D'après un rapport remis au gouvernement au mois de janvier dernier, en 2030, l'Europe ne produira pas plus de 30% de ses besoins en minerais stratégiques pour les batteries électriques de la transition énergétique telles que le lithium, le cobalt ou le nickel. Cette pénurie annoncée a pour effet d'aiguiser les appétits sur les ressources abondantes qui se trouvent sur les grands fonds marins. Si pour l'heure, les rares tentatives d'exploitation de ces ressources sont conclues par des échecs, combien de temps cela sera-t-il encore le cas? Pour l'heure, le temps est encore à l'exploration, assurait le chef de l'État au One Ocean Summit, mais d'exploration à exploitation, il n'y a qu'un pas. Exploitation minière sous-marine, on n'a pas fini de creuser, c'est le programme Extracteur qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre les implications de l'extraction minière sous-marine, la faisabilité et bien entendu les limites écologiques de l'exercice, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Nadine Lebris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à Sorbonne Université, chercheuse à l'unité mixte CNRS Sorbonne au laboratoire d'éco-géochimie des environnements benthiques. Et nous sommes en ligne depuis le large avec Marianne Cambon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse au BIEP, B-E-E-P, le laboratoire biologie et écologie des environnements marins profonds de l'IFREMER. Vous nous appelez depuis le pourquoi pas. Vous avez mené des premiers essais pour une future campagne d'exploration avec le Nautil. Vous nous en direz évidemment un mot dans quelques minutes, mais on commence par celle qui chaque jour nous évite de toucher le fond. C'est Natacha Trier pour le Journal des Sciences. C'est moi qui le touche le front en l'occurrence. Nicolas, bonjour. Bonjour. Et on commence avec une étude parue dans la revue Nature Communications avec le dérèglement climatique, le phénomène des flash droughts, les sécheresses éclairs s'aggravent. Oui, alors jusqu'en 2020, on ne connaissait que 5 types de sécheresses. La sécheresse météorologique, hydrologique, agricole, la méga sécheresse et la sécheresse socio-économique. Depuis 2020, nous en avons identifié une 6e, les sécheresses éclairs, en comparaison avec les crues éclairs qui arrivent en très peu de temps. Alors une sécheresse habituellement, ça s'installe dans la durée. Là, il s'agit d'un phénomène qui apparaît en seulement 5 jours. Cette équipe américaine a étudié les données satellitaires hydroclimatiques entre 2000 et 2020. En 20 ans, on observe une tendance à la hausse de ce phénomène qui a augmenté de 20%. Dans cette étude, les auteurs ont identifié les critères qui provoquent cet assèchement des sols. Isabelle Lajeunesse est géographe de l'environnement, maître de conférences et chercheur au laboratoire CNRS CITER à l'université de Tours. L'étude montre que c'est une sécheresse qui est en fait liée à une aridité atmosphérique. En fait, en fonction de deux facteurs, diminution, donc un déficit de précipitation, un déficit de pluie, et des températures élevées, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une augmentation, un, de l'évaporation du sol, et deux, de la transpiration des plantes. Les deux ensemble, c'est l'évapotranspiration. Donc on a une augmentation de l'évapotranspiration. Plus l'air est sec et plus l'air est chaud, plus il va inciter, parce que la pression de vapeur est déficitaire, plus il va inciter et le sol à perdre de l'eau et la plante à transpirer. Entre 2000 et 2020, surtout là, depuis moins d'une décennie, on a une accélération du changement climatique. Donc, tout concourt à ce que le phénomène ne soit pas linéaire, en fait. La capacité hygrométrique de l'air, elle est proportionnelle à la température de l'air. Mais c'est une exponentielle, pas une droite. Donc, plus l'air est chaud, plus il peut contenir de l'humidité. Et si, en plus, l'air s'assèche, le phénomène s'entretient. Là, on a affaire aujourd'hui à ce qu'on appelle des pics de chaleur, qui s'explique avec le réchauffement ou des règlements climatiques. Et ces pics de chaleur vont induire une plus grande évapotranspiration, qui va avoir un impact sur l'humidité du sol. Donc c'est pas étonnant que dans une phase d'accélération du changement climatique, on observe, c'est l'accélération pour moi de ces phénomènes atmosphériques extrêmes qui génèrent aussi l'accélération du phénomène. Alors, on peut se poser la question, avec des sécheresses éclairs de 5 jours, est-ce que c'est un problème mineur? Non. C'est pas un problème mineur parce que quand on voit l'impact que ça a sur le centre et puis ça s'est déplacé ces dernières années, ça peut être dans le sud, ça peut être dans l'est et puis l'étude de Nature Communications le montre, les impacts peuvent être de grande ampleur. En fait, si cette sécheresse éclair. Elle fait descendre l'humidité du sol en deçà du point de flétrissement de la plante. La plante meurt au bout de quelques jours. Et là, ça dépend, un, de la qualité du sol et deux, de la résistance à la plante. Mais l'impact, il peut être très important. C'est ce qu'il y a de plus visible, l'impact sur l'agriculture. Voilà, et si vous voulez en savoir plus sur ces flash droughts, sur ces sécheresses éclairs, et bien comme d'habitude, nous avons publié les liens vers l'étude de Nature sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Une étude parue dans la revue Nature Biomedical Engineering décrit une nouvelle méthode pour soigner le diabète sans médicaments. Oui, avec la stimulation par ultrasons focalisés. Lors d'essais précliniques, des chercheurs américains ont testé cette méthode sur des souris, des rats et des cochons diabétiques de type 2. Ils ont stimulé avec des ultrasons une zone du foie riche en terminaisons nerveuses pendant 3 minutes et durant une semaine. Cette neuromodulation par ultrasons a restauré les niveaux d'insuline et de glucose des animaux. Alors pour l'heure, il existe peu de médicaments qui baissent les niveaux d'insuline. Des essais cliniques sur l'être humain sont en cours. Toujours pour soigner les patients atteints de diabète de type 1, l'Angleterre est en train de tester à grande échelle des pancréas artificiels. C'est la première fois que l'on teste à grande échelle cette technologie. Près de 900 patients expérimentent actuellement ces pancréas artificiels qui les aident à contrôler leur état. L'appareil, qui fonctionne en boucle fermée, utilise un capteur sous la peau pour capter le taux de glucose, pour évaluer la quantité d'insuline nécessaire avant l'injection. Un système hybride, presque entièrement automatisé. S'il s'avère fonctionnel, il pourrait empêcher les crises d'hypoglycémie et d'hyperglycémie et bouleverser la qualité de vie des patients diabétiques et leur éviter les quotidiennes piqûres aux doigts. Et enfin, selon une étude parue aujourd'hui dans la revue Journal of the Royal Society Interface... Eh bien, c'est une nouvelle étude qui témoigne de l'ampleur de la crise de reproductibilité. L'un des fondements de la méthode scientifique, c'est que les résultats doivent être reproductibles, c'est-à-dire que l'on peut les répéter dans d'autres laboratoires, dans des conditions similaires. Des chercheurs britanniques ont voulu tester la reproductibilité et la robustesse des résultats biomédicaux sur le cancer du sein. Ils ont mené des tests semi-automatisés avec un robot scientifique pour reproduire les résultats de 74 études. Seules 22 ont pu être reproduites, une étude sur trois. Selon les auteurs, les expériences ne sont pas surveillées, mesurées et enregistrées suffisamment pour les rendre reproductibles. Merci beaucoup Natacha, et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Les 9, 10 et 11 février se tenait à Brest le One Ocean Summit, le sommet pour un océan, un sommet international de sauvegarde des océans, donc au cours duquel il a été question de la protection des écosystèmes marins, de lutte contre la pollution, contre le changement climatique et de gouvernance de l'océan. Il faut dire que les grands fonds marins nous sont encore globalement inconnus et l'une des annonces de ce sommet a donc logiquement consisté à promettre un effort particulier de cartographie avec pour objectif de mobiliser une flotte de 50 navires pilotés par l'ONU pour que 80% des fonds marins soient cartographiés à l'horizon 2030. Mais derrière ces grandes annonces d'exploration se cache une autre ambition qui s'exprime peu ou à demi-mot, celle de l'exploitation. La France, avec le deuxième domaine maritime au monde, lorgne vers ses ressources cachées au fond des océans et qui pourraient pallier le manque de matières premières rares, notamment pour la fabrication de batteries. Je vous laisse écouter un extrait de la déclaration du chef de l'État à l'issue de ce sommet. Je dis une chose, on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas. Et donc, il ne faut pas commencer à dire, le mieux pour protéger, c'est de ne pas vouloir connaître. Donc j'assume totalement de lancer des grandes missions d'exploration des fonds marins. C'est absolument indispensable pour qu'on puisse connaître et qu'on puisse derrière protéger. Et puis ce ne serait pas juste de dire qu'on peut aller jusque dans Mars, dans la Lune, faire des formidables missions spatiales, mais que nos fonds marins, on ne pourrait plus faire de grandes missions, de grandes explorations. Et donc oui, dans nos grands fonds marins, oui, dans nos pôles, on va continuer de financer des grandes missions d'exploration scientifique pour connaître. Voilà, des grandes missions d'exploration scientifique pour connaître ces fonds marins. Peut-être une réaction l'une et l'autre à ce discours du chef de l'État en clôture de ce One Ocean Summit, Lanine Lebris. Oui, mais je pense qu'en effet, on en est à la connaissance, à l'élaboration de cette connaissance. Il faut se rendre compte qu'il y a une cinquantaine d'années ou une soixantaine d'années qu'on est capable de descendre sur le fond et d'étudier des organismes sur le fond. C'est un domaine scientifique qui est très récent. Donc il y a un effort particulier d'exploration à faire, de compréhension des mécanismes. Ça va bien au-delà simplement de la cartographie. Et certainement, aujourd'hui constitue un verrou majeur pour penser, imaginer une exploitation qui soit durable, en tous les cas, dans les règles que posent les Nations Unies. Votre réaction également, Marie-Anne Cambon, à cette déclaration, ou en tout cas à cet extrait pour le moment, parce que le chef de l'État a parlé d'autre chose et on va y revenir dans quelques secondes. Oui, effectivement, la cartographie, c'est un début. On n'a pas cartographié plus de 5 à 10% de la surface des fonds marins de façon générale. Donc effectivement, c'est une très grande ambition. Cartographier, c'est un préalable avant de pouvoir rechercher d'éventuels écosystèmes, les identifier et les replacer dans leur contexte. Mais comme le vient de dire Nadine, c'est un domaine qui est très récent. Les sources hydrothermales, c'est 1977. Et encore, c'est pas ça qu'on cherchait. On cherchait juste à voir les zones interplaques, puisque c'était le début de la théorie de la tectonique des plaques. Donc on a énormément de travail devant nous et énormément de recherches devant nous avant de pouvoir commencer à imaginer une potentielle exploitation. Alors justement, vous venez de prononcer le mot qui fait peur, le mot interdit, celui que tout le monde redoute, le mot d'exploitation. Évidemment, au cours de ce One Ocean Summit, il a été question, et notamment dans le discours du chef de l'État, d'exploration. Mais il disait dans un autre extrait de ce discours, la France, je le disais, donc je cite Emmanuel Macron, la France, je le disais, est la deuxième puissance maritime du monde. Et il y en a aujourd'hui pour comprendre, connaître les grands fonds marins, des innovations de rupture à conduire pour mener ces explorations et pour permettre le travail scientifique. J'entends déjà le débat venir, continue Emmanuel Macron, je ne parle pas d'exploitation à ce moment-là, je parle d'exploration, mais qui peut accepter que nous laissions en quelque sorte dans l'inconnu la plus complète, une part si importante du globe, et nous avons dans nos zones économiques exclusives la possibilité d'avoir accès à ces explorations, qui est un levier extraordinaire de compréhension du vivant, peut-être d'accès à certains métaux rares, de compréhension du fonctionnement de nouveaux écosystèmes, d'innovation en termes de santé, en termes de biomimétisme, etc. On a tout de même le sentiment que l'éléphant dans le magasin de porcelaine, si je puis m'exprimer ainsi, Nadine Lebris, et que quand on parle, ou quand le chef de l'État ou d'autres dirigeants internationaux parlent d'exploration, tout le monde quand même a en tête l'idée de pouvoir un jour exploiter ses ressources. Alors, pas forcément. Enfin, l'exploration telle qu'elle a été développée même à la fin du 19e siècle, c'était l'exploration du vivant, c'est de la diversité des fonds marins dans toutes leurs composantes. Donc on peut garder cette dynamique de vouloir comprendre la diversité, et y compris dans l'océan et l'océan profond, c'est 98% volume de l'océan, 95% de sa surface. C'est l'essentiel de l'océan qui nous reste relativement inaccessible. Ce qui est un peu embêtant, c'est le fait que depuis au moins une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, il y a une ambiguïté qui a été un peu développée autour de l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins, des permis d'exploration minière, pour l'instant, d'exploration, mais aussi avec comme enjeu l'exploitation de ces ressources minérales. Et parallèlement à ça, le développement d'une industrie et de certaines sociétés qui ont voulu accélérer le processus et qui, depuis au moins les années 2010, considèrent que l'exploitation est accessible. Un certain nombre d'engins, de machines ont été développés, donc la technologie est présente. Ce qui bloque, c'est la capacité à maîtriser les impacts, définir des plans d'impact environnementaux. Ce sont des engagements qui sont très fermes vis-à-vis des Nations Unies pour la haute mer, mais auxquels un certain nombre d'États adhèrent, même dans leurs zones économiques exclusives. Et cette limite, c'est la connaissance des écosystèmes, de la diversité du vivant. Je pense qu'il y a un consensus actuellement dans le domaine des experts scientifiques pour dire qu'on a à peine commencé à identifier la diversité des espèces qui peuplent ces fonds sous-marins, qui sont très très divers, très fragmenté, et pour lequel finalement on a observé et échantillonné qu'une toute petite partie. Mais Marianne Cambon, on entend bien hein, là dans le petit extrait que je viens de lire du discours du chef de l'État qu'il est question des métaux rares, et la question finalement qui se pose, c'est est-ce que on peut vraiment imaginer explorer sans exploiter, ou est-ce que c'est un peu un faux-né? Faut pas oublier que l'exploration de son environnement, c'est un petit peu le propre de l'homme. Hein. Bien entendu. Même s'ils sont pas allés dans les grands fonds en apnée au départ, ils sont allés avec des cloches et des scaphandres depuis avant Jésus-Christ. Donc c'est l'homme a envie de savoir ce qui se passe sous l'eau. Maintenant, effectivement, les moyens technologiques d'un sous-marin habité à 6000 mètres nautiques ou d'un ROV permettent d'aller beaucoup plus loin. Mais avant tout, on explore, on a découvert les nodules en cherchant la vie dans les grands fonds et on a remonté des nodules. On a trouvé les sources hydrothermales en allant chercher des failles transformantes et des limites de plaques tectoniques. Donc je pense qu'on n'est pas obligé de systématiquement lier les deux. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, sur les nodules qu'on a trouvés dans les années 80, dans la zone Clarion-Clipperton, il y a des tests... des espèces de démonstrateurs miniers qui sont faits dans des cadres de projets internationaux de recherche pour commencer à imaginer des impacts. Mais la connaissance des grands fonds marins et la physique des grands fonds marins, les courants de fond sont très mal connus. Donc la dispersion d'une pollution, quelle qu'elle soit, d'un panache ou de sédiments remis en suspension est très mal appréciée. Il y a quelques dessins et prototypes de machines en place. Pour ce qui est des amales sulfurées, donc les zones hydrothermales, et encore plus les encroûtements cobaltifères, qui sont des zones sur des monts sous-marins avec des dépôts de métaux, des terres rares et des métaux hein, comme le nickel, le cuivre, le cobalt dont on parlait tout à l'heure, il n'y a pas de dispositif de collecte à ce jour qui a été testé en grand fond en tout cas. Donc les impacts sont pas du tout évaluables pour l'instant, on n'a pas du tout les technologies. Et aujourd'hui, on est incapable même de savoir s'il y a une rentabilité économique. C'est pour ça que pour moi, l'exploitation n'a de sens que si elle cible, ce qu'on n'a pas, puisqu'on n'en connaît pas assez, on connaît que 5% des fonds, et si exploitation veut dire rentabilité, et je ne sais pas si aujourd'hui on peut parler de rentabilité alors qu'on ne connaît pas du tout le A et le B de ces technologies. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc d'exploitation, d'exploration, les deux certainement, en tout cas d'extraction minière sous-marine tout au long de cette heure, en compagnie de Nadine Lebris et de Marianne Cambon. Avant donc d'interroger ce que vous venez d'évoquer, Marianne Cambon, à savoir la faisabilité et la possible rentabilité d'une forme d'extraction sous-marine, peut-être commençons justement par parler un peu de ce que l'on sait, ou plus précisément de ce que l'on sait peu, puisque vous l'avez dit, l'une et l'autre, on connaît encore vraiment très mal ces grands fonds marins. Que sait-on exactement, justement, peut-être Nadine Lebris, pour commencer? On a entendu Marianne Cambon citer trois types de ressources. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur ces ressources qui peuvent intéresser à terme bien des États ou des sociétés pour faire de l'extraction? Alors, il y a trois types de minéraux, hein, c'est pas totalement mon domaine de recherche, mais ce qui est connu et clairement identifié sont les nodules polymétalliques dont Marianne a parlé, sur les plaines abyssales, sur certaines zones des plaines abyssales, qui sont constituées essentiellement de manganèse et qui contiennent des métaux de type cobalt, nickel, terres rares, etc., d'intérêt stratégique, ce sont pas des éléments rares, ce sont des éléments stratégiques dont la demande est croissante et dont l'approvisionnement est limité, ou en tous les cas limité à certains états, hein, je pense que c'est vraiment géostratégique. Donc il y a les nodules polymétalliques, il y a les encroûtements de manganèse sur les flancs des monts sous-marins, sur les zones rocheuses de ces montagnes sous-marines qui peuvent atteindre une vingtaine de centimètres d'épaisseur, qui sont formés sur des millions d'années, comme les nodules, qui contiennent aussi du cobalt, du nickel, des terres rares, du platine. Donc là, on passe sur les métaux plus précieux. Et puis dans les sulfures polymétalliques qui sont déposés par les circulations de fluides hydrothermaux, hein, c'est l'eau de mer qui circule dans le plancher océanique et qui transporte un certain nombre de métaux. Ces sulfures contiennent beaucoup d'éléments, mais l'intérêt dans ces cas-là, ça va être aussi d'aller chercher des éléments comme le cuivre et le zinc, dont les besoins sont croissants, en plus de or, argent, platine, essentiellement donc de métaux précieux qui tirent un peu la demande vers les sulfures polymétallique. Donc on est dans des contextes très différents, les monts sous-marins d'une part, qui peuvent monter proche de la surface ou à quelques centaines de mètres, éventuellement avec des écosystèmes associés et de l'activité de type pêche autour. Les systèmes associés, les sulfures associés aux sources hydrothermales et à leurs écosystèmes emblématiques, exceptionnels, qui font une connexion entre ce qui se passe sous le plancher océanique et au-dessus, avec une richesse et des adaptations extraordinaires de toutes ces espèces, les nodules polymétalliques qui sont à 4000-6000 mètres de profondeur, relativement peu connus, qui ont été pas mal explorés, mais sur lesquels on comprend que la diversité du vivant est beaucoup plus importante que ce qu'on imaginait avant, souvent des espèces de petite taille. Et les efforts qui ont été faits pour explorer les nodules dans les 10 dernières années ont montré que la proportion d'espèces non décrites, inconnues jusqu'à présent, est extrêmement importante. Donc on a à la fois des ressources et en même temps des écosystèmes qui sont un patrimoine, une diversité extraordinaire et potentiellement d'autres ressources ou d'autres solutions d'un point de vue pharmaceutique, d'un point de vue de biotechnologie pour la dépollution et un certain nombre d'éléments de compréhension de la manière dont le vivant s'adapte à des conditions environnementales très particulières et potentiellement aussi une inspiration pour comprendre comment le vivant s'adapte aux changements qui s'opèrent dans l'océan, le changement climatique en particulier. La compréhension de tous ces mécanismes est essentielle et je pense que c'est aussi important d'avoir ça en tête avant de éventuellement faire disparaître des écosystèmes, des espèces ou des populations qui auraient des propriétés génétiques particulières. Marie-Anne Cambon, peut-être pour compléter ce que vient de décrire très précisément Nadine Lebris, à la fois sur notre connaissance toute récente de ces écosystèmes et de la biodiversité autour de ces trois grands types de ressources, hein, les sulfures hydrothermaux, les nodules polymétalliques et les encroûtements cobaltifères, et peut-être aussi, est-ce que vous auriez est-ce qu'on a une idée de la quantité de ressources que cela représente, la quantité de métaux précieux? Est-ce que c'est vraiment extrêmement abondant? On se rend pas bien compte de justement l'intérêt que peuvent avoir en termes d'extraction ces éventuelles ressources. Alors effectivement, c'est assez compliqué d'avoir une idée précise aujourd'hui de quantité. Alors autant on a du qualitatif, c'est-à-dire qu'on a fait des prélèvements qu'on appelle discrets, on a fait quelques prélèvements en des points bien précis qu'on peut analyser en laboratoire et répondre quelle est la composition d'un nodule polymétallique ou d'extrait d'encroûtement cobaltifère ou de sulfure polymétallique des zones hydrothermales. En ce qui concerne une évaluation de volume, de tonnage, au jour d'aujourd'hui, on n'est absolument pas prêt à répondre à cette question puisqu'on n'a pas fait d'études complètes et intégrées sur des zones suffisamment grandes pour se rendre compte des réserves. On peut extrapoler par rapport aux quelques connaissances qu'on a sur quelques sites bien précis de l'océan. Mais comme on le disait au départ, on a exploré tellement peu que l'on connaît que quelques pourcents du potentiel. Peut-être qu'il n'y a rien ailleurs, mais peut-être qu'il y a beaucoup. Peut-être qu'il y a des écosystèmes qu'on n'a encore jamais découverts avec des ressources qu'on ne connaît pas. Et au jour d'aujourd'hui, l'effort d'exploration est là, justement, pour répondre à toutes ces questions-là. Et passer à un niveau d'évaluation de tonnage ou de réserve, ou on pourra utiliser le mot, différents types de mots, aujourd'hui, on n'est pas encore capable de répondre à ces questions-là. Parce que les approches d'exploration ne sont pas terminées justement. Alors un rapport qui a été des questions. Oui, et qu'on va examiner tout à l'heure. Hein. On va évidemment se poser la question de la possibilité, de la faisabilité ou non, et de la complexité évidemment de faire de l'extraction sur ce type de ressources. On va en parler dans quelques minutes, mais avant cela, je voudrais qu'on traite et qu'on parle de ce rapport qui a été publié en 2014 et qui s'était donné précisément cette ambition, c'est-à-dire d'évaluer l'impact environnemental de l'extraction de ressources sous-marines. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Et c'est à ce rapport que vous vous êtes intéressé. Oui, j'ai rencontré Jérôme Diman, qui est directeur de recherche CNRS au sein de l'équipe géosciences marines à l'Institut de physique du Globe de Paris. Il nous explique en quoi consistent aujourd'hui les moyens de recherche pour explorer et décrire les gisements sous-marins. Et il reprend quelques-unes des principales conclusions de l'expertise proposée en 2014 par le CNRS et l'Ifremer sur l'impact environnemental de l'exploration et de l'exploitation des gisements sous-marins. On travaille à peu près dans tous les océans. Alors il faut qu'ils soient accessibles. Nos moyens de recherche sont multiples. Le satellite d'abord, on a toujours une carte élaborée par le satellite qui est un petit peu notre carte Michelin, disons. Au-delà de cette carte, évidemment, si on veut en savoir plus, il faut aller avec des bateaux. Donc on fait beaucoup de levées depuis la surface. Les bateaux maintenant ont des outils extrêmement précis pour nous permettre de connaître la topographie du fond de l'océan, le champ magnétique, le champ de gravité. Parfois on fait aussi des sondages sismiques avec une source qui va nous envoyer un bruit qui va entrer dans les différentes couches et être réfléchi et donc nous permettre d'avoir une idée de l'empilement des couches géologiques. On ramasse des échantillons de la surface, on drague. Alors c'est toujours une opération un petit peu risquée. On risque soit de perdre la drague, soit de ramener tellement de cailloux qu'on ne sait plus très bien quoi en faire. Mais ce sont des opérations effectivement importantes. Et puis, si on veut vraiment être plus précis, il faut se rapprocher. Pour se rapprocher, en France, on a la chance d'avoir des très bons outils qui ont été développés par l'Ifremer et qui sont mis à disposition de la communauté scientifique nationale. On a les sous-marins habités. C'est une espèce, je dirais, en voie de disparition. On a encore le Nautile, mais pour quelques années. Mais sa disparition est programmée, malheureusement. Nous avons aussi d'autres instruments qui sont des robots téléopérés, qui sont un petit peu la nouvelle vague qui remplace les sous-marins. Et puis vous avez des drones sous-marins de toutes sortes qu'on promène dans les fonds. Et alors là, eux, ils ont une mission particulière. Certains font de la cartographie, d'autres vont avoir des missions plus spécifiques, de prélèvement, d'échantillonnage de tel ou tel matériel ou biologique, etc. Et donc maintenant, on a une panoplie effectivement assez approfondie. Et donc en fait, pour les premiers, les navires et les satellites, on va partout. Alors, on va partout, il y a des choses intéressantes, c'est-à-dire plutôt sur les dorsales, plutôt sur les zones de subduction aussi, où on va avoir des choses intéressantes, sur les arcs volcaniques, sur les volcans sous-marins de style point chaud. Mais si vous voulez y aller avec des robots téléopérés, avec des sous-marins habités, vous ne pouvez pas aller dans des mers trop dures. Donc ça vous limite un peu en latitude, et bon, on va rarement au-delà de 30 degrés, quoi. Concernant ce rapport-là auquel vous avez participé en 2014, quels travaux vous avez conduits pour évaluer les impacts environnementaux, écologiques, écosystémiques d'une exploitation de gisements miniers sous-marins ? C'était en fait une étude bibliographique où on a essayé de rassembler tout le corpus de littérature qui existait, d'en faire l'analyse et d'en dégager les tendances principales, la connaissance. C'est-à-dire que le ministère avait l'intention à l'époque de réactualiser le code minier. Parce que le code minier, en France, c'est le bon vieux code qui vous permet, si vous trouvez de l'or dans votre jardin, d'en faire une mine. Alors évidemment, c'est pas tout à fait adapté au fond marin. Donc, il y avait un certain nombre de choses à faire. Et pour lancer ces modifications, il fallait un état des lieux. Et donc, en fait, l'état des lieux qui nous était demandé, c'était le meilleur état des lieux scientifique possible pour mener cette réflexion. C'est-à-dire, en fait, la question de fond, c'est la suivante. Vous avez une compagnie française ou étrangère qui vous dit, voilà, j'aimerais bien faire des mesures dans votre territoire, ou dans le territoire marin dont vous avez la charge, pour faire tel ou tel type d'exploitation, éventuellement à long terme. Qu'est-ce qu'il faut lui demander une fois qu'il revient vers vous et qu'il dit, ben voilà, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, j'aimerais bien l'exploiter. Qu'est-ce qu'il faut qu'on lui demande pour être certain qu'il n'y ait aucun dommage environnemental? Et par exemple, s'il y a des faunes qui vivent et qui peuvent être dérangées, ces faunes sont-elles précieuses? Ces faunes sont-elles importantes? Faut-il les transporter ailleurs? Il y a un tas d'études qui ont été faites là-dessus, mais encore relativement peu, parce que ces faunes sont multiples, parce que les dangers sont multiples aussi. Simplement, le bruit du forage, de l'exploitation, peut être ou la lumière que vous apportez pour vous quand vous pilotez en surface votre esclavateur, récupérer ce minéral. Tout ça, ça va déranger la faune. La poussière que ça va générer, ça, cette poussière, elle va être importante. Alors, on va nous dire, oui, mais quand un site hydrothermal jaillit, il y a aussi beaucoup de poussière. Est-ce que les poussières vont avoir la même granulométrie? Est-ce que certaines vont être très dangereuses pour les organismes, alors que les autres sont celles dans lesquelles ils vivent? Toutes ces questions sont encore très, très peu étudiées. Il y a beaucoup de choses. Il y a évidemment des choses qui ont été débroussaillées, on a quelques idées, mais c'est là-dessus qu'il faut faire quelque chose. Et l'intérêt, en fait, de cette étude, c'était aussi de souligner tous les manques de connaissances qui peuvent exister pour qu'on les traite avant qu'on ait l'urgence. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, quand il y a eu la ruée vers l'or aux États-Unis, on ne s'est pas posé la question, bon, est-ce que ça va polluer les rivières ou pas? Les gens, ils y sont allés, ils ont tous salopé, si je puis dire, et puis ils ne se posaient pas la question. Là, on a la chance, comme ce n'est pas vraiment pour demain, pour tout de suite, on a la chance de pouvoir faire ces études un petit peu en amont. Et il ne faut pas la rater. Donc du coup, ce rapport n'avait finalement pas tant valeur de recommandation ni de spécification des dangers environnementaux que de suggestion de plus de temps pour plus de travaux d'études. Il y a un peu les deux, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses dont on sait déjà qu'il faut pas les faire. On sait déjà qu'il faut être précautionneux, on sait déjà qu'il faut réfléchir quand on pense à des techniques d'exploitation il faut réfléchir aux dangers potentiels. Bon, par exemple, ce minerai que vous allez traiter, bon, évidemment, localement, vous allez détruire le lieu où vous ramassez le minerai. Ça, c'est clair. Bon, mais ça, c'est la même chose à terre sur une mine. Ensuite, vous allez le transporter. Il va falloir l'arracher du fond de l'océan et le remonter. À une époque, on voulait remonter ça, disons, de façon solide. C'est absolument inenvisageable. Ça salirait tout sur le chemin. Donc, en fait, maintenant, ce qu'on envisage, c'est de le casser, le fragmenter en toutes petites partie, et remonter tout ça avec des systèmes hydrauliques. Alors, les systèmes hydrauliques, c'est très bien, tant que les tuyaux sont rigides et tiennent le coup, tant qu'il n'y a pas de fuite. Donc, comment s'assurer qu'il n'y aura pas de fuite? Parce que ces fuites, elles peuvent être très dangereuses. Si vous avez quelque chose qui est profond, vous ramassez du minerai à 2000 mètres. 2000 mètres, il n'y a plus beaucoup de poissons, il n'y a plus grand-chose. Mais si vous avez une fuite dans des étages intermédiaires, là où vivent les poissons, ben, les pêcheurs qui ramassent ces poissons, ils vont vous ramasser des poissons qui ont redigéré, disons, des métaux qui ne sont pas forcément très, très propres à la consommation. Donc ça peut poser des tas de problèmes dans la chaîne des utilisateurs de la mer. Et c'est tous ces problèmes qu'il faut évaluer, auxquels il faut réfléchir avant de se précipiter. Voilà, c'est certains des problèmes ou des questions soulevées par la possibilité future d'extraction et d'exploitation des ressources minières sous-marines. Une réaction l'une et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Marianne Cambon? Oui, alors effectivement, comme l'a expliqué Jérôme, hein, au jour d'aujourd'hui, on a les moyens technologiques de l'exploration jusqu'à l'étude sur les grands fonds marins. Que ce soit donc avec le Nautil, que j'espère, comme il a dit malheureusement, qu'il ne va pas disparaître, les robots et les nouveaux drones sous-marins pour faire du travail de cartographie et d'analyse un peu plus systématisé. Aujourd'hui, on a des choses auprès de l'Autorité internationale des fonds marins, hein. Il y a des codes de bonne conduite, il y a des réglementations qui sont en cours d'écriture et d'amélioration. Il faut savoir que ces codes-là sont alimentés par les scientifiques au niveau international. On fait des propositions et des amendements pour qu'à chaque action humaine in situ, il y ait en amont, et c'est effectivement dans l'histoire de l'exploitation industrielle, quelle qu'elle soit, c'est la première fois qu'on fait en amont toutes ces études potentielles d'impact. On a tout un tas de réglementations et de sollicitations et d'obligations avant d'imaginer demander l'autorisation d'avoir un contrat d'exploitation. Par exemple, on doit déterminer via des campagnes pluriannuelles pour voir la variabilité naturelle des écosystèmes sur plusieurs années et au cours de saisons. On doit déterminer des zones protégées non impactées et une zone impactée avec un test. Et ensuite, en 2 ou 3 ans, on retourne voir l'effet du test. Donc, c'est des choses qui prennent déjà 6-7 ans à être toutes seules. La notion de cette saisonnalité est importante, puisque contrairement à ce qu'on pensait il n'y a encore pas longtemps, on a découvert cette révolution biologique, la vie est possible en grande profondeur, basée sur la chimiosynthèse, donc l'utilisation de la chimie par les micro-organismes pour démarrer la vie. Mais on s'est aussi rendu compte qu'on a un effet de saisonnalité avec une reproduction de certaines espèces, par exemple en janvier, février, mars, comme une des espèces sur lesquelles on travaille, et qu'on n'observe pas du tout le reste de l'année. Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, des espèces qu'on a découvertes il y a 40 ans, on vient de comprendre il y a quelques années, là à peine, qu'on a des effets cycliques des saisons, alors qu'on pensait qu'à 4000 mètres de fond, il n'y avait pas de saison. Donc toutes ces choses-là font que chaque fois, chaque campagne apporte son lot de résultats. On est bien incapable aujourd'hui d'imaginer ce que pourrait donner un extracteur minier dans les grands fonds en termes de bruit, de vibration, de lumière, de chimie. Alors comme j'ai parlé de chimiosynthèse, quelque chose qui est important, il faut savoir que dès qu'on change la chimie des environnements profonds, on change toute la salle trophique. C'est-à-dire qu'on va créer une sorte de bloom microbien. Les micro-organismes vont être différents ou vont se multiplier différemment si on change la chimie de l'environnement. Et ça peut conduire à toute une modification de la chaîne trophique. Quant à la notion de toxicité, de ce qu'on pourrait remonter, que ça fuit ou que ça fuit pas, effectivement, il faut savoir que on a des produits qui sont pour nous complètement mortels, comme le plomb, le zinc, l'arsenic, entre autres, et qui, effectivement, relargués dans les colonnes d'eau plus en hauteur, serait catastrophique pour les stocks de poissons qui sont déjà eux aussi mal en point à voie d'exploitation. Nadine Lebris sur ce reportage et pour compléter ce que vient de dire Marianne Cambon. Oui, je rejoins Marianne sur les questions de toxicité. Hein. On sait que en plus de ces métaux d'intérêt économique, on a des métaux qui sont connus pour leur toxicité, plomb, cadmium, mercure, et puis d'autres. Il ne s'agit pas simplement d'éviter les fuites. Hein, le principe, en tous les cas, ce qu'on a pu voir, c'est remonter les minerais en surface et après filtration, réinjecter les particules les plus fines. Les particules les plus fines ne sont pas les moins dangereuses, sont les plus dangereuses, celles qui sont capables éventuellement d'être dispersées sur de longues distances, qui vont, comme l'a dit Marianne, être transformées par les micro-organismes dans l'eau, qui peuvent relarguer ou transformer certains métaux, rendre leur toxicité plus importante. Ça, ce sont des choses qu'on ne connaît pas dans ce contexte-là, mais qu'on connaît ailleurs dans d'autres environnements terrestres ou marins, aquatiques. La chimie des métaux dans le milieu naturel. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait simplement essayer d'examiner de manière un peu plus précise. On sait que les panaches naturels des sources hydrothermales, par exemple, transportent un certain nombre de métaux. Et on constate que les efforts de recherche fondamentales, hein, sur le rôle de ces panaches dans l'océan, ont montré, et ça sont des résultats des 10 dernières années, que l'export de fer des sources hydrothermales peut aller jusqu'à des milliers de kilomètres et réensemencer à certains moments la surface de l'océan, donc pour fertiliser cette surface et soutenir la croissance du phytoplancton. Pour les autres métaux, on a très peu d'études. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est la recherche et les connaissances acquises dans différents contextes et réintégrées avec en mettant en jeu différentes disciplines, en essayant de voir ce qui est applicable, en faisant des hypothèses et en les testant, qui permettent de répondre. Et ce qui avait été dans ce rapport d'expertise collective auquel j'ai aussi participé, l'évidence de manque de connaissances et la nécessité d'avoir des programmes de recherche multidisciplinaires, interdisciplinaires, voire transdisciplinaires, pour intégrer cette connaissance et essayer d'y voir plus clair. Et je pense que on peut aller sur des zones, de manière répétée, comme Marianne et les équipes d'IFREMER le font, sur des zones de permis pour essayer de comprendre mieux les choses. Ça restera de... Quoi qu'il en soit, hein, on voit les connaissances qui ont été acquises par ces efforts récents, mais ça reste une campagne tous les 3 ans, ou au mieux dans certains coins tous les ans, avec même quand il y a des efforts de collaboration internationale. À partir de là, on n'a pas l'information sur les échelles de temps courtes, les événements. On sait qu'une tempête peut mélanger la colonne d'eau de la surface jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Et ça exporte tout un tas de choses vers les eaux moins profondes, là où en effet il y a des poissons qui sont exploités. Et pour répondre à Jérôme, je dirais qu'il y a aussi des poissons à 1000, 2000 mètres, 3000 mètres, 5000 mètres, 6000 mètres. Mais de fait, cette connexion par les masses d'eau, de ce qui se passe au fond et des écosystèmes sur le fond avec ce qu'on trouve à la surface de l'océan et qu'on veut protéger, puisque c'est notre, un peu notre protection vis-à-vis des problèmes de climatiques, elle est méconnue, mais tout le monde s'accorde à aujourd'hui, par les connaissances récentes, à reconnaître qu'il y a cette connexion existe et qu'elle est forte. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la manière dont les écosystèmes interagissent entre eux et soit protègent face à des perturbations, mais aussi peuvent amplifier ces perturbations si on n'y prend pas garde. Bien sûr. On va continuer à examiner un peu les conséquences éventuelles, ou en tout cas plus exactement l'état des connaissances actuelles sur les conséquences que pourraient avoir des campagnes d'extraction de ressources sous-marines. Rappelons qu'à l'heure actuelle, il n'y en a pas encore. Il y en a eu. On va en parler dans quelques minutes, et puis on va essayer aussi d'examiner quelles sont les campagnes de préservation, de protection que l'on peut éventuellement penser en amont, comme le disait tout à l'heure Marie-Anne Cambon, d'un éventuel programme d'extraction. Ce sera dans quelques minutes musicales. Stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms. Beyond the star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. Meet beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Beyond the Sea par Bobby Darin à 16h45 déjà sur France Culture. Et oui, le temps passe vite quand on écoute la méthode scientifique. Et nous parlons d'extraction de ressources minières sous-marines en compagnie de Nadine Lebris, qui est professeure à Sorbonne Université et chercheuse à l'unité mixte CNRS Sorbonne au laboratoire d'éco-géochimie des environnements benthiques, et Marie-Anne Cambon, chercheuse au BIP, le laboratoire biologie et écologie des environnements marins profonds de l'Ifremer. Mais comme tous les mercredis, à mi-parcours, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Brunel. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur l'aide à la décision pour la planification spatiale marine, optimisation en nombre entier au service de la conception d'aires marines protégées. C'est une thèse en préparation à 7 au sein de l'Institut de recherche français pour le développement. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Bonjour et donc merci beaucoup pour votre invitation. Donc en effet, je vais vous parler de ma thèse en mathématiques appliquées à l'écologie. Et donc tout d'abord, pour saisir le contexte un peu plus global de ma thèse, nous partons d'un constat simple. Donc l'océan est vu économiquement comme l'espace de la croissance dite bleue d'aujourd'hui et de demain, et cette vision est largement soutenue politiquement. Et c'est pourquoi l'océan est déjà bien occupé et intensément exploité par divers acteurs. La pêche, l'aquaculture, les énergies, fossiles ou renouvelables, le transport maritime, etc. Pourtant, la communauté des écologues nous alerte régulièrement quant à la mauvaise santé des écosystèmes et à l'état général de la biodiversité des océans. Et par conséquent, se pose la question fondamentale de la gestion de ces espaces communs dont nous dépendons tous. Et donc, en réponse à cette problématique et en se fixant un développement dit durable comme objectif, la planification spatiale marine s'est progressivement imposée comme un cadre théorique et pratique de la gouvernance des océans. Et donc notamment, une des idées centrales de la planification spatiale marine est l'organisation collective d'un découpage, d'un zonage de l'océan afin de répartir les activités humaines. Le but étant de réduire les tensions entre les acteurs eux-mêmes, mais également d'atténuer les pressions sur les écosystèmes dues à l'exploitation humaine. Et par conséquent, une des missions de la planification spatiale marine, c'est de désigner, à travers des discussions collectives, les zones où peuvent se dérouler quelles activités et où elles ne le peuvent pas. Et c'est ce dernier point qui va particulièrement nous intéresser ici, et donc avec un angle un peu plus conservation. Donc en effet, une des solutions essentielles pour la conservation, identifiée par les politiques internationales, c'est la conception d'un réseau complet et cohérent d'aires marines protégées. En témoigne récemment le Green Deal européen, qui vise par exemple 30% de réserves d'ici 2030, contre environ 8% aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, la France est particulièrement concernée avec un des domaines maritimes les plus importants au monde. Et donc la question devant cet énorme besoin, c'est de comment choisir des aires marines protégées pertinentes. Et comme ce problème nécessite une synthèse d'informations qui sont à la fois nombreuses et hétérogènes, la tâche de sélection d'aires marines protégées est cognitivement complexe et difficile à résoudre à l'intuition seulement. C'est pourquoi on a des outils mathématiques d'optimisation en nombre entier qui permettent de venir pallier à cette difficulté afin de nourrir les discussions de manière transparente et explicite. Et donc, afin de mieux comprendre comment fonctionnent ces outils pour la sélection d'aires marines protégées, on va partir en randonnée. Donc en effet, mettons-nous à la place d'un randonneur préparant son sac à dos pour une semaine en autonomie, et plus particulièrement ses repas. Son objectif va être de constituer le sac le plus léger possible. Mais bien évidemment, le randonneur est contraint de couvrir ses besoins, supposés connus, en protéines, lipides et glucides, pour toute sa semaine de randonnée. Sa décision va donc porter sur chaque aliment de son garde-manger, afin de savoir s'il doit les mettre ou non dans son sac à dos. En pratique, tout randonneur met en place un ensemble de règles simples, plus ou moins intuitives, basées sur le poids des aliments et leur qualité nutritive, jusqu'à trouver une solution qui le satisfait, c'est-à-dire un poids de sac à dos acceptable pour sa randonnée. En revanche, notre randonneur n'a aucune garantie que ce soit la meilleure solution, c'est-à-dire le sac à dos le plus léger. Et c'est là que des outils mathématiques permettent de calculer le sac à dos optimal, c'est-à-dire le plus léger, et qui couvrira nos besoins pour les trois nutriments considérés, à savoir les protéines, lipides et glucides. Et donc, sélectionner des sites à intégrer dans une aire marine protégée, c'est exactement la même chose. On veut trouver la réserve la plus légère, par exemple la plus petite ou la moins coûteuse, et qui va satisfaire donc nos apports nutritifs, c'est-à-dire contenir, recouvrir suffisamment d'espèces que l'on souhaite protéger. Et donc j'en viens finalement à mes travaux de thèse, qui se concentrent sur l'amélioration de ces outils mathématiques pour la sélection d'aires marines protégées. Par exemple, imaginez que les quantités de protéines, lipides et glucides de chacun des aliments soient incertaines. On veut malgré tout construire un sac à dos robuste à cette incertitude, c'est-à-dire qui va quand même couvrir mes apports nutritifs, quelle que soit la réalisation de l'incertitude. Un autre exemple, c'est le développement de méthodes donnant des solutions alternatives de sac à dos. Encore une fois, imaginez que la meilleure solution du sac à dos soit de prendre le même repas tous les jours. On conviendra que ce ne sera pas une solution réellement satisfaisante, bien qu'elle corresponde au sac à dos le plus léger. Et c'est pourquoi on veut des propositions alternatives de sac à dos, qu'on jugera meilleures, quitte à ce que le sac soit à peine plus lourd. Et pour conclure, et là j'aurai pas vraiment d'analogie avec mon sac à dos, mais je m'attache aussi à incorporer des aspects plus géométriques dans la conception d'aires marines protégées. En effet, on aime bien qu'une réserve soit compacte, en un seul morceau et sans trou. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci Adrien Brunel. Vous restez avec nous pour la suite et la fin de l'émission. Peut-être une question aujourd'hui concrète. Nadine Lebris, vous me disiez tout à l'heure pendant la pause musicale, vous voyez, on n'y est pas. Ça veut dire que pour le moment, ces campagnes d'exploration minière ne peuvent pas, vous pensez qu'elles ne peuvent pas aujourd'hui aboutir à court terme, disons, à finalement des sociétés, des compagnies minières soutenues par des États qui s'installent durablement pour exploiter ces ressources? Ça vous paraît pas être quelque chose qui arrive comme ça immédiatement, ou en tout cas dans les mois ou les années à venir? Alors, Malheureusement, j'aimerais en avoir la certitude, mais je pense que aujourd'hui, il y a un consensus scientifique sur le fait que on ne peut pas respecter les engagements internationaux avec les connaissances actuelles. Et quand je parle de consensus scientifique, je parle des gens qui travaillent sur ce domaine, qui ont travaillé, y compris dans le cadre des permis miniers. Je pense que tout le monde dit qu'on n'est absolument pas, on ne maîtrise pas ni la capacité d'évaluer les impacts, ni les moyens de surveiller ces impacts, de mesurer ces impacts sur le fond et sur la durée, avec des instruments autonomes. On n'a absolument aucun moyen de répondre à cette injonction qui est de définir des règles de protection de l'environnement. Donc c'est ça, si ces règles doivent être respectées, l'exploitation ne peut pas démarrer. D'un autre côté, l'AIFM, semble-t-il, a un certain nombre de contraintes, et j'ai appris récemment que un des États qui a un contrat d'exploration de nodules dans le Pacifique, Nauru, a décidé, puisque en fait eux ils ont délégué leur droit à une compagnie minière, de démarrer cette exploitation, et à partir de là, l'AIFM est en devoir de synthétiser les connaissances et de lancer les choses. Pour moi, c'est très récent, cette prise de conscience, et je pense que là, il y a un danger. Le danger étant aussi dans les zones économiques exclusives d'un certain nombre de pays qui ont besoin de ressources et qui ont aussi besoin qu'on partage les connaissances, et de manière très rapide, mais pour l'instant, c'est pas le cas, leur donner les moyens d'évaluer eux-mêmes les risques environnementaux et le patrimoine, en fait, de biodiversité qui est dans leurs eaux également. Parce que, Marianne Cambon, il y a eu déjà des précédents, hein, 2017, une campagne d'extraction au Japon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2019. Peut-être un mot sur ces deux campagnes qui ont été interrompues, mais qui montrent tout de même que, bien, voilà, on dispose de la technologie, on ne dispose pas de toute la connaissance, mais il y a quelques pays que ça n'empêche pas de tenter l'aventure. Alors oui, effectivement, il y a un début de technologie sur certains points. Alors la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'était quand même des sources assez... c'était pas du profond, c'était des grosses entreprises qui n'étaient pas Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais si je me rappelle bien d'Australie. Mais les ONG ont fait force pour bloquer, et les Japonais sont aussi très sensibles à l'écologie. Au jour d'aujourd'hui, c'est exactement ce que disait Manadine, le gros problème que l'on a, c'est que on ne connaît pas assez la vie dans les grands fonds et les risques de dispersion à grande échelle. Il n'y a qu'un océan, en fait, hein, tout est interconnecté, on a une planète, un océan. Si on commence à faire quelque chose à un endroit, on ne sait absolument pas jusqu'où ça va se déplacer. Il faut aussi rajouter que sur les ambitions de France 2030, on parle assez souvent dans différents parties du document qu'il faut relancer l'emploi et les compétences au niveau de maritime. On a là aussi à créer des vocations, puisque le nombre de chercheurs et de techniciens ou d'ingénieurs impliqués dans ces recherches dans les grands fonds est très faible. C'est des petites équipes, ce sont des petits groupes. Au jour d'aujourd'hui, les rares essais de 2017-2019 ont montré que pour l'instant, on n'est pas prêt. Les populations sont pas prêtes. Il y a aussi un grand travail à faire auprès des populations. Et c'est vraiment là le rôle du scientifique quelque part. Le scientifique est là pour éclairer, pour donner des résultats scientifiques validés et éprouvés auprès de la communauté, pour une prise de décision éclairée par les politiques. Les scientifiques sont là pour partager et informer tout le monde, sensibiliser au mieux, bien sûr former les futures générations de scientifiques, et puis essayer de partager les connaissances pour de la protection de ce qu'on connaît. On peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas, et malheureusement ce ne sont pas les scientifiques qui décident. Mais au jour d'aujourd'hui, la population est assez sensible aux résultats scientifiques que l'on peut apporter, si tant est qu'on nous laisse le temps de le partager, de l'expliquer, et ce, dès les plus jeunes âges dans les écoles, et pour créer des vocations pour nous rejoindre sur ces études-là. Je suis complètement d'accord avec Nadine. Au jour d'aujourd'hui, vu le temps de la science, le temps de la connaissance, pour faire les études pluridisciplinaires, même sur des zones ciblées sur lesquelles on peut retourner un petit peu régulièrement, ceci étant effectivement c'est une campagne tous les 2 ou 3 ans, au jour d'aujourd'hui, il va falloir au moins 10 ans avant d'imaginer identifier une cible. Déjà, rien que faire l'exploration complète de la zone du contrat atlantique, on est loin de l'avoir fait. Alors, est-ce qu'il faut pas simplement, comme le propose l'UICN, un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins, moratoire que la France, par ailleurs, n'a pas souhaité approuver, la proposition de moratoire de l'UICN, Nadine Lebris? Oui, je rejoins les experts internationaux du domaine qui ont demandé, avant que ce moratoire soit proposé et validé à l'UICN, qu'on laisse le temps de la connaissance avant de décider si oui ou non il faut avancer. Mais voilà, on a le sentiment tout de même que cette connaissance est une arme à double tranchant, parce que mieux on connaîtra, plus ça ouvrira des portes à la possibilité éventuelle d'une exploitation de ces ressources. Et on voit bien aujourd'hui que toutes les données dont on dispose montrent que une exploitation des ressources ne peut vraisemblablement pas se faire de manière respectueuse de ces environnements et de ces écosystèmes extrêmement fragiles. Oui, mais la connaissance, elle n'est pas forcément là où il y a les ressources. La connaissance de ces écosystèmes, de leur biodiversité, elle est partout dans l'océan, dans les fonds océaniques. On a besoin d'avoir accès à cette diversité, à ces mécanismes, à la manière dont le vivant répond à la variabilité de l'environnement naturel ou d'impact anthropique. Et on a besoin d'associer, en effet, beaucoup plus largement, tous les citoyens du monde à ces questions. On a besoin d'un effort conséquent de compréhension de l'océan. Peut-être qu'il faut passer par un GIEC océan, ou il faut passer en tous les cas pour un partage de ces connaissances et ne pas remettre en cause la connaissance de ces milieux. Marianne Cambon, pour conclure, donc l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins, a délivré une 30aine de permis d'exploration, 2 à la France. Vous allez partir, vous faites des tests en ce moment sur le pourquoi pas avec le Nautil, puisque vous allez partir sur une campagne d'exploration cet été, je crois. Encore une fois, est-ce que ces campagnes d'exploration n'entrouvrent pas la porte à la possibilité proche ou non de minage et d'exploitation minière, pardon. Pour conclure. Alors moi, je rejoins complètement. Ouais, pour conclure, je rejoins ce que vient de dire Nadine. Hein. Si on n'explorait pas les grands fonds marins aujourd'hui, on ne saurait même pas qu'il y a des écosystèmes entiers qui vivent loin des hommes, avec des espèces. On ne sait même pas comment elles sont interconnectées entre elles. On ne connaît pas encore leur cycle de vie. On sait simplement qu'elles sont là avant nous. On sait aussi aujourd'hui que la plupart des déchets marins finissent dans les grands fonds. Il a bien fallu aller le voir, faire des prélèvements, mesurer des microplastiques partout pour se dire qu'il fallait arrêter de jeter les plastiques et les poubelles par-dessus bord. Donc une chose est évidente, s'il n'y a pas de recherche dans les grands fonds, on ne connaît pas les grands fonds. Et il n'y a rien de pire que de ne pas savoir et d'aller vers l'obscurantisme. Mmh. Donc la recherche est importante, l'exploration est importante. Un moratoire, oui, ça n'a de sens que si on sait comment en sortir. Mmh. Aujourd'hui, mettre un moratoire pour ne même pas explorer, c'est risquer de repousser à plus tard et de faire des bêtises parce qu'on ne sait pas. Mmh. Donc je pense qu'aujourd'hui, le rôle du scientifique, une fois de plus, c'est vraiment ça, c'est d'éclairer et de donner des informations que les politiques devront utiliser à bon escient. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Marianne Cambon, merci Nadine Lebris d'être venue nous parler de ces grands fonds marins. C'était Jacques Azubert aujourd'hui à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur franceculture.fr. Et ce, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.